Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, 89.3 FM CISM, je m'appelle André Péloquin et vous avez survécu à la pause musicale, bravo! Pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors de la première heure, un petit rappel de ce qui se passe en ce moment, vous écoutez CISM, la radio des étudiants et étudiants de l'Université de Montréal, c'est André Péloquin qui anime Plectrum, la grande traversée du jeudi, on vient de terminer notre première heure francophone, on commence dès maintenant notre deuxième heure anglophone avec plein de nouveautés, d'exclusivités et des trucs du genre. On débute dès maintenant avec du indie rock. On va avoir entre autres du Shout Out Louds remixé par Ratatat. Nouvel album d'ailleurs de Ratatat qui s'en vient. J'ai écouté quelques pièces et ça va être aussi bon que le premier, sinon meilleur. On va aussi avoir du RV, nouveau hit group montréalais qui ressemble un peu trop à mon avis à Arcade Fire. On va aussi avoir un groupe de Toronto qui s'appelle Henri Fabergé and the Adorables, c'est très joyeux. Et ma découverte de cette semaine, Spy Machine 16, on va d'ailleurs débuter dès maintenant avec leur pièce Autobiography. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à m'y faire parvenir par la voie du pigeon voyageur électronique avec le courriel, c'est le plectrum cism@hotmail.com, mon courriel. Si vous voulez aussi, vous pouvez consulter mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com pour avoir plus de détails sur la programmation d'aujourd'hui. J'ai aussi une balado-diffusion, c'est un podcast si vous voulez, c'est le podmodernisme.blogspot.com, ça se spécialise dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Et là-dessus, je vous invite à consulter le site web de la station de radio, c'est le CISM893.ca, où vous trouverez encore plus de détails sur mon émission et sur toutes les autres émissions de CISM. Là-dessus, en avant la musique! Oh, oh, oh! Terrorists are calm. Buddy, but I how I felt about you, or even just who I am, I'll be a happy man. Kiss and I've never whispered sweet nothings, cause we've never fucking met. But it's time, lay it on the line. Corner, waiting in my car for you to get home. Common sense says forced romance don't stand a chance. I give it up that bad. Oh no, I'm talking to myself again, wishing it was you. That ain't true, so I'll just pretend. No, give me a chance to cut my teeth. Gone all those walls make me stronger. Why do I feel so weak? Martha for any days, and then you must leave Falworth. And three, you might find somebody last to find up singing songs. That's why you've been waiting so long, why you cried and hoped for loving so long. Forget me, I hope it won't take too long. Oh, we Comeback de Shout Out Louds, remixé par Ratatat sur les ondes de la marge, 89.3 FM, CISM, c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se poursuit. Je m'appelle André Péloquin et avant les Shout Out Louds qui ont débuté qui ont terminé ce premier bloc de cette deuxième heure, cette heure anglophone, on avait Harvey et la pièce Space Girl tirée de leur album Sink or Swim. Un peu avant, on avait Henri Fabergé and the Adorables, un extrait de leur maxi I Love You, c'était la pièce Ventriloquist Love, et on a débuté avec Spy Machine 16, c'était Autobiography. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir, entre autres, pour ceux qui aiment Cancer de Ser Sexy et Bandido Rolé, un autre groupe issu de cette même scène brésilienne qui s'appelle Freak Plasma. Oh, je vais vous jouer la pièce Punk It. Pour ceux qui ont été voir justement le passage de ces groupes brésiliens en compagnie de Diplo la semaine dernière, une petite pièce pour vous. On va avoir du Kensé de Ser Sexy avec Let's Make Love While Listening to Death From Above 1979, le Diplo remix. On va aussi avoir en direct de Montréal via un détour vers Sherbrooke Sexy Boy. Et on va avoir aussi du Huffy, qui est une autre découverte de cette semaine. Oui, je suis en retard. Ça me fait penser d'ailleurs à une conversation que j'ai eue avec un autre animateur de CISM. Parce que oui, les animateurs de CISM ne font pas que saillir. Ils parlent aussi entre eux. Je parlais avec Guillaume de Coulet qui anime cet été en compagnie de JP et mon Masala, une excellente émission que je vous invite à écouter. Consultez leur site web masalacism.blogspot.com pour avoir plus de détails, des archives, etc. Je vous le recommande fortement. Et de Coufflet me demandait, à part pour crâner devant mes auditeurs, qu'est-ce que j'écoutais comme musique personnellement chez moi. Et on voyait dans son regard une espèce d'éclair de feu qui attendait que je me plante en disant un truc de comme « Ben, j'aime bien ça, du bon Jovi, là! » Et non, j'ai répondu « Offi » en rajoutant pour me protéger. Je le sais que je suis en retard et ça a passé le test. Et bien que je suis en retard, je suis présentement dans la vague et je vous présente du Offi, c'est excellent. Et on va écouter la pièce « Hot Chick ». Mais avant, on débute dès maintenant avec Freak Plasma, la pièce « Punk It » sur la marge 83 FM CISM. Oh, kinky bitches to fetish friendly tricks when I go out. Okay. Some like to get me drunk and wild, but the only thing you get tonight is my fucking drink tab. Yes, I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like this cold ass bitch and I ain't ready to suck. Upbeat is here, the boys are screaming and the club is packed. And this one is for all my ladies who like to shake it like that. To get your ass on the floor, down to the floor, get your ass on the floor. To the floor, get your ass on the floor. Down to the floor, get your ass on the floor. Down to the floor, get your ass on the floor. Down to the floor, tap your funky dancing shoes. I can't hear, I want more. Don't you stop. Guess I want to see y'all getting hot. He's got the hottest tracks and the shit on lock. You got me, kick up the sound, so I'm tearing the sound. You can spin a little faster, I'm still ripping the song. They call me up, yes I'm young, but I ain't giving a fuck. If you got beef, I thought you knew I am ready to fuck. Oh, it can't be stopped, no. We stopped the rob so viciously that you don't even want us to stop. In the club, I am tired to hear the same shit, whether we're dancing crap or just a road of hits. Where is the sound I like to hear? They kept me shaking my ass. I like an electronic beat with a vocal that kick ass. I'm burning like the two life crew band in the USA, cause my first track is like a commercial for NRA. But I feel great walking Europeans on this club scene. I put my dirty part out there cause it is too fucking clean. And let me have another drink, I want to party hard. Maybe roll out the fucking weed, we gonna party hard till the sunrise. We gonna get all sticky and shit, but you don't care as long as me and DJ Feast drop the heat. I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like hot chick that you can't even touch. I'm like hot chick. Speech, speech made you nervous that you couldn't eat. You came to show your mad love. You came to tell it's not enough. Come and erase me and take me with you. Kiss me, I'm drunk, don't worry, it's true. I wanted to show you how mad is my love. Come and attack me, it's not gonna hurt. Find me, deny me for fear when it close. Let's make love and listen death from above. Let's make love. Let's make love. Find and bed and more than again. Let's make love. Let's make love. Then again. Then again. let's make love. Let's make love. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Plaquin. C'est la grande traversée de jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer avec des pièces plus ou moins électro. On vient de terminer avec Sexy Boy, c'était la pièce Free to Shout. Un peu avant, on avait Kansas Dessert Sexy avec la pièce Let's Make Love While Listening to Death From Above 1979, le Diplo Remix. Un peu avant, Offy avec la pièce Hot Chick, et on a débuté le tout avec Freak Plasma et la pièce Punk It. On va poursuivre de maintenant avec des trucs un petit peu plus hip-hop! Oui! On va avoir entre autres du Professor Murda. On va aussi avoir du Plastic Little. Si vous aimez ce que fait Spankrock, vous devriez adorer Plastic Little. On va aussi avoir du Heart Attack. Ça, c'est l'autre groupe de Silo de Gnarls Barkley. C'est très bien. Moi, je préfère ça à Gnarls Barkley. Et on va débuter avec quelque chose qui joue très souvent ici à CISM. Du Lady Sovereign, oui. Mais c'est une nouvelle pièce qui s'appelle Love Me or Hate Me. Et c'est vraiment ma préférée du lot jusqu'à date. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, faites-moi parvenir ça par courriel à plectrumcism@hotmail.com et mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Vous trouverez là des archives, des résumés des émissions, des liens rigolos à télécharger parfois. Oh oh, à ce qu'on s'y amuse! J'ai aussi une balado-diffusion, c'est le pod modernisme.blogspot.com, et le point d'ancrage de tout cet univers, c'est le CISM893.ca, station site-mère de la station de radio. Je vous invite à le consulter trois fois par jour. On débute dès maintenant avec Love Me or Hate Me, The Lady Sovereign, sur La Marche, le 89.3 FM, CISM. Yeah, it's officially the biggest midget in the game. I don't know. Love me, I hate me. you mean what's the jump off? You see some shit this world, that's the jump off. What's what? Yo, a fucking Corvette on the block. Two elephants driving, sucking a dude's dick. Suicide doors, yeah. A 40 in a blunt, yep, that's the jump off. Shorty had a gun in a car, about to shoot at the front of the Chinese shop. Sucking my cock to some Tupac jump off. Throwback, just like apartheid or a car ride. 2600, Christopher Columbus found it. Y'all try to take it, before he came, they were naked now. Make them bitches yeah, say ho. Yeah, yeah, cop got shot in his face. That's a jump off. Get laid on your first date. That's a jump off. I got three drugs and I found it on the rug. I always look cute, but I've got no loose shit. I'm the J-U-M-B-O-R. Tell your story, walking man, walking to Milwaukee and hit me on that walkie-talkie, nigga, holla back. Hey, bro, I'm got that crack, bro, nigga, I'm that crack. All right, you understand that shit yet? No, you guys are just rapping. Just tell me what now, it fuck is. Fuck that rapping now. We lay this shit down like a glass carpet, motherfucker. Ha! I'm the human jump off. Check my calf muscles. They 3% healing. Mouth and your tongue pulled out. Fuck on your belly in a river down south. Yo, I got a plan. Sticking these bitches to their golds and their garments. Shut up, you goof, dig your wallet. Be quiet, I'm sorry. Your Parker's a starter. I wanted your life or your daughter. Jump off. All right, that's it, that's the jump off. Get that shit yet? No, just tell me what it is. All right, check it like this. The jump off is when you go to the candy store. Uh-huh. Get a free Tootsie Pop, that's the jump off. Oh, that's great. All right, your HIV test comes back positive. Oh, no. But chill out, on further tests, you find out that shit's negative, that's the jump off. That's great news. All right, your dad's in the Russian mafia, that's the jump off. He can beat people up and for me. Your worst enemy's mama gets killed by ninjas at Disney World. That's a jump off. I love the jump off. I hate Bobby. It's fucking awesome. I love it. It's great. I'm the J-U-N-B-O-R. I'm the J-U-N-B-O-R. Yeah, yeah. You got a little fire behind that shit, little player. Yo, hold up. Run them sneakers, bitch. Oh, no, you tricked me. Just hearing this is like an out-of-body experience. And lift you. And now you got the gift too. For all days, may it always be with you. The power to move, the power to improve, express and expand, encourage the next man to do the same. Give it away for you to gain. If this goes no further, then you to blame. Watch them dip with the real shit set. We got a dance called the Be Yourself. And of course, this is Soul Sonic Force for awesome and actual, supernatural, gradual. You are natural, linen and loafers. I do it fashionable. I'm the lord of the dance and the sword of silence. I strike and sever the now and never. Wow, together, it's bound to be better than ever. If she wants to live, let her. Watch them flip with the real shit sell. We got a dance called the Be Yourself. Come on. Get right. raccroche. Non, toi raccroche. Non, toi raccroche. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge. Le 89.3 FM CISM, je m'appelle André Péloquin et on vient d'écouter la pièce Champion de Professor Murder sur Plectrum, la grande traversée du jeudi. Un peu avant, on avait The Heart Attack avec Gangsta Boogie. On avait un peu avant Plastic Little avec un extrait de l'album du même nom. C'était la pièce de Jump Off et on a débuté avec Lady Sovereign et la pièce Love Me or Hate Me tirée du maxi du même nom. C'est déjà tout pour moi, mais je t'attends la semaine prochaine, cher public. En attendant de te laisser au bon soin du palmarès du jeudi, je vous invite à communiquer avec moi via mes nombreux points de contact. Il y a le courriel à plectrumcism@hotmail.com, mon blog avec un résumé de l'épisode. Si jamais vous allez voulez aller chez le disquaire et lui dire « Ah, oh, tu sais, j'aimerais ça acheter l'album, tu sais, avec le tune qui fait « Non, non, non! » Eh bien, vous aurez plus de détails maintenant. Et le site, je vous le rappelle, plectrumcism.blogspot.com, ma balado-diffusion, elle, qui se spécialise dans tout ce qui se fait l'alternatif au Québec, autant en anglais, en français, autant en folk qu'en punk rock débile, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Et on se quitte en musique avec du Lame, c'est la pièce Dusty Melody, tirée de l'album While Escaping. Et si on a un petit peu plus de temps, on va vous jouer du Sister Suivi, c'est le projet d'un des membres de Island, c'est la pièce Run, Run, Run, c'est tiré de leur maxi démo. Je m'appelle André Péloquin et on se retrouve à un autre épisode de Plectrum la semaine prochaine. Ho ho! I wish I had a bigger boat to carry us both from shore, further from here. We're sailing to the far, lost beyond this land, peacefully resting, finally asleep. I wish I had a stronger back to shelter us all from this crumbling house, this house we call our home. The windows are bare, walls are thin, the wind is leaking in, pushing on our skin, freezing our hearts. Tonight I'll stay, forget about this weight. I wish I had a stronger voice to sing you away. Across the mountains and towns, so you can feel and touch the sea.